yeux pour pleurer, la bouche pour demander et les mains pour tout prendre. Comme si le verbe aimer ne servait plus à rien, juste essuyer les verres. C'est sûr, quand on regarde trop les films à la télé, les émissions truquées, pleines de bons sentiments. Ça semble si facile de gagner des millions, devenir une star entourée de couillons. Que les yeux pour pleurer, la bouche pour demander et les mains pour tout prendre. Comme si la liberté ne servait plus à rien qu'à sortir les poubelles. Ressembler à ces gens névrosés qu'on voit dans les magazines. Dans le petit miroir de la salle de bain, on se regardera enfin sans complexe en se disant.